Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones, une émission consacrée au rock progressif sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Vous pouvez aussi nous écouter sur le web à l'adresse cfou.ca et sur iPhone en téléchargeant l'application C'est Fou Live. Aujourd'hui à l'émission, nous avons pour vous Ossicles de Norvège, Zoufenty d'Italie, Pandora d'Italie, Simon Says de Norvège, Jazz de France, Progression by Failure de France, Steve Stevens d'Angleterre, et McDonald & Giles, Cannes et King Crimson, tous les trois d'Angleterre. On débute l'émission avec un groupe norvégien qui a un seul album à son actif. Et le groupe s'appelle Ossicles et l'album double CD Mental Peace. Et extrait de cet album-là, nous allons entendre la pièce Silky Elm. Alors voici Ossicles. Thank you. Alors, c'était la formation norvégienne Ossicles avec la pièce Silky Elm et c'est extrait de l'album Mental Peace qui est paru en 2012. On va clore le premier bloc de l'émission avec une formation italienne, en fait un artiste italien, Fabio Zuffenti. Et on lui connaît six albums studio, à part ses participations dans Finistère, Ariès et La Mascara di Scera et Ossonaten, sans oublier. Alors, Zuffenti a produit un album solo en 2014. L'album s'intitule La Quarta Vittima et on va entendre la pièce Il Circo Brucia. Alors, voici Fabio Zuffenti. We'll be right back. Tous photographes. Alors, c'était un extrait du dernier album de Fabio Zuffenti. L'album s'intitule La Quarta Vittima et la pièce qu'on vient d'entendre, c'est Il Circo Brucia. Après la pause, Pandora di... calore sconosciuto, cenere tiepida, acqua nera, sorrisi spenti, cieli profondi, sguardi chiusi, ma che sensazione è? Ma che sogno è? Sarà, ma sono morto di già. Sfrenata, passi tenebrosi, urla incalzanti, parole soffocate, silenzio forzato, ora ho capito. Frenabile spirale infinita, girare, volare, perdersi senza più via. Consapevole che non ci sarà futuro. No, niente più viaggi. No, niente più abbracci. No, niente più sogni, no. Ora son consapevole che non sarò più con voi, che non sarò più con mai più con voi, mai più con voi, mai più con voi, mai più con voi. Vous venez d'entendre la formation italienne Pandora avec la pièce Salto nel Buio et c'est extrait de l'album paru en 2008, Dramma di un poeta ubriaco. C'était leur premier de trois albums. On enchaîne avec, du côté de la Suède, la formation Simon Says. On leur connaît trois albums. La semaine dernière, j'ai fait jouer une pièce de l'album Tardigrade et cette semaine, on va aller du côté du deuxième album, Paradise Square, qui est paru en 2002, et on va entendre la pièce titre. Alors voici Simon Says. And to try to end the war.

On débute le troisième bloc de l'émission avec un groupe français du nom de Jazz, J-A-Z, qui est une formation qui gravite autour du musicien Jean-Marc Corvisier. Et la particularité de Jazz, c'est qu'il y a 38 albums studio depuis 1994, c'est presque deux albums par année. C'est en général des pièces assez longues. Le dernier album qui s'intitule « Les Odes décarbonatées » compte 4 pièces et on va entendre une pièce extraite de cet album-là. Une pièce qui dure un peu plus long que ce qu'on va entendre parce que j'en ai fait une adaptation. Alors voici la formation française Jazz. Alors, c'était la formation Jazz de France, et la pièce qu'on vient d'entendre, c'est Centropolis. C'est un extrait de la pièce qui provient de l'album tout récent, Les Odes des Carbonatés. Une particularité de ce 38e album, c'est qu'il est gratuit sur Bandcamp, et autant que les 37 autres. S'agit de trouver la plateforme où c'est disponible. Alors, on reste du côté de la France avec la formation Progression by Failure. Et l'album qui vient de paraître, c'est leur deuxième. L'album s'intitule Sonic Travelogue. Et ce qu'on va entendre, c'est The Pyramid and the Sphere. Alors, voici Progression by Failure. We'll be right back. Alors, c'était la formation française Progression by Failure et on a entendu la pièce The Pyramid and the Sphere. C'est extrait de leur dernier album qui est paru il y a quelques semaines, Sonic Travelogue. On va conclure le troisième bloc avec Steve Stevens, qu'on connaît par sa participation avec le trio Levine, Bozio et Stevens, qui font un peu dans le fusion jazz. Mais on connaît, moi j'ai un petit plaisir coupable, je connais le talent de Steve Stevens depuis une trentaine d'années lorsque je l'ai connu, lorsqu'il était guitariste de Billy Idol. On l'a entendu aussi sur l'album de Michael Jackson, sur la pièce Dirty Diana. Alors c'est le petit bonhomme noir habillé en cuir et il a deux albums, je dirais, prog-related, si on peut dire, association par association au prog. Et c'est un guitariste assez chevronné. Et ce que j'aime de la pièce que vous allez entendre, c'est que, contrairement aux solos de guitare qu'on entend, qui sont quelquefois froids et techniques, dans la pièce que vous allez entendre, Steve Stevens nous raconte une histoire avec sa guitare. Alors, suivez bien les différentes sonorités. Alors voici Prime Mover de Steve Stevens et c'est extrait de l'album Memory Crash paru en 2008. Thank you. Alors, on va entendre dans les pionniers du rock progressif trois formations avec trois pièces extraites d'albums parus en 1970, 72 et 71. Le premier, c'est McDonald and Giles, qui sont deux membres fondateurs de la formation King Crimson. Ils ont quitté la formation pour une aventure qui s'est soldée finalement par un album. Peut-être un deuxième plus tard, mais c'est disons que l'essentiel de l'œuvre, c'est l'album éponyme paru en 1970 de McDonald and Giles. Et on va entendre la pièce Tomorrow's People. On va enchaîner par un nom moins dinosaure du rock progressif, Khan, K-H-A-N, qui en fait regroupe les membres de la formation Egg, Dave Stewart notamment et Steve Hillage. On va entendre aussi de leur seul album Space Shanty paru en 1972, Driving to Amsterdam. Et en conclusion de l'émission, on va entendre King Crimson. C'est une suggestion de Eve Farley et la pièce est extraite de l'album Islands et s'intitule Sailor's Gate. Alors on va entendre les trois pièces en rafale sans interruption. Alors voici McDonald and Giles, Khan et King Crimson. Everyone wants to go, it won't take very long. its fairy beads reflected in the shining of your eyes. As we